Exode chapitre 13. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, sanctifie-moi tout premier-né, tout ce qui ouvre la matrice entre les enfants d'Israël, tant des hommes que des bêtes, car il est à moi. Moïse donc dit au peuple, souvenez-vous de ce jour auquel vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car l'Éternel vous en a retiré par main forte, on ne mangera donc point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui, au moins que les épis mûrissent. Quand donc l'Éternel t'aura introduit au pays des Chananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, lequel il a juré à tes pères de te donner, et qui est un pays découlant de lait et de miel, alors tu feras ce service en ce mois-ci. Durant 7 jours tu mangeras des pains sans levain, et au 7e jour il y aura une fête solennelle à l'Éternel. On mangera durant 7 jours des pains sans levain, et il ne sera point vu chez toi de pain levé, et même il ne sera point vu de levain en toutes tes contrées. Et en ce jour-là tu feras entendre ces chaux, ces à tes enfants, en disant, c'est à cause de ce que l'Éternel m'a fait en me retirant d'Égypte. Et ceci te sera pour signe sur ta main, et pour mémorial entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit en ta bouche, parce que l'Éternel t'aura retiré d'Égypte par main forte. Tu garderas donc cette ordonnance en sa saison, d'année en année. Aussi, quand l'Éternel t'aura introduit au pays des Chananéens, selon qu'il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, alors tu présenteras à l'Éternel, tout ce qui ouvre la matrice, même tout ce qui en sortant ouvre la portière des bêtes, ce que tu auras de mal sera à l'Éternel. Mais tu rachèteras, avec un petit d'entre les brebis, ou d'entre les chèvres, toute première portée des ânesses, et si tu ne le rachètes point, tu lui couperas le cou. Tu rachèteras aussi tout premier-né des hommes entre tes enfants. Et quand ton fils t'interrogera à l'avenir, en disant, que veut dire ceci, alors tu lui diras, l'Éternel nous a retirés par main forte hors d'Égypte, eux, de la maison de servitude. Car il arriva que, quand Pharaon s'opiniâtra à ne nous laisser point aller, l'Éternel tua tous les premiers-nés au pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des bêtes, c'est pourquoi je sacrifie à l'Éternel tout mâle qui ouvre la portière, et je rachète tout premier-né de mes enfants. Ceci te sera donc pour signe sur ta main, et pour fronteau entre tes yeux, que l'Éternel nous a retirés d'Égypte par main forte. Or, quand Pharaon eut laissé aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoiqu'il fût le plus court, car Dieu disait, c'est afin qu'il n'arrive que le peuple se repente quand il verra la guerre, et qu'il ne retourne en Égypte. Mais Dieu fit tournoyer le peuple par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Ainsi les enfants d'Israël montèrent en armes du pays d'Égypte. Et Moïse avait pris avec soi les os de Joseph, parce que Joseph avait expressément fait jurer les enfants d'Israël, en leur disant, Dieu vous visitera très certainement, vous transporterez donc avec vous mes os d'ici. Et ils partirent de Sukkot, et se campèrent à Étham, qui est au bout du désert. Et l'Éternel allait devant eux, de jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit, et il ne retira point la colonne de nuée le jour, ni la colonne de feu la nuit, de devant le peuple.